Audiomatique. Takes his name and screams it as a curse. Pour amorcer la transmission 309 d'Audiomatic, le groupe anglo-néerlandais de Legendary Pink Dots nous interprétait la chanson No Matter What You Do, extraite de leur album Your Children Placate You From Premature Graves, qui est paru en 2006 et qui célèbre en quelque sorte 25 années d'existence, puisque la formation a fait paraître son premier album en 1981. Le son et par extension la musique peut être soit émotionnel, soit rationnel, ou encore les deux à la fois, comme nous le démontre le trompettiste Ambrose Akinmusire. Thank you. Thank you. Audiomatic, cette séquence se concluait sur la musique de la formation Mr. Bungle et sa pièce Desert Search for Techno Allah de l'album Disco Volante, paru en 1995. Mr. Bungle est en fait un super groupe de rock expérimental composé entre autres du chanteur Mike Patton de Faith No More, du batteur Dave Lombardo des Misfits et de Suicidal Tendencies et du bassiste Trevor Dunn des Melvins. Avant Mr. Bungle, nous entendions la formation Broadcast et leur pièce Unchanging Window, apparaissant sur leur premier album The Noise Made by People, publié en 2000. Et en début de séquence, nous écoutions la musique du trompettiste Ambrose Akinmusire et sa composition Blues We Measure the Heart with a Fist, apparaissant sur son tout nouvel album On the Tender Spot of Every Calloused Moment. Et c'est dans le bruit, la distorsion et le chaos que se poursuit Audiomatic. Thank you. cette séquence musicale à audiomatique, ou plutôt cette séquence bruitiste à audiomatique, était composée d'une seule pièce, l'œuvre du projet Mars Bar de l'artiste japonais Masami Akita. Il s'agissait de la pièce Kuma no Mori Moon, tirée de Wildwood, son 280e album, si on se fie au décompte sur Discogs, donc son 280e album sur environ 300 depuis qu'il a débuté sa carrière en 1979. Nous mettrons un terme à cette transmission 309 d'Audiomatic avec la formation montréalaise Godspeed You Black Emperor, qui a été fondée en 1994 et qui, en 2003, s'est mise en pause pour nous revenir en 2010. L'album qui a d'ailleurs marqué son retour sur disque est l'album Alléluia Don't Bend Ascend, lancé en 2012, et duquel est tirée la pièce que l'on entendra en conclusion d'émission, soit la pièce Mladic. Si vous aimez les sons, vous serez servi avec la prochaine transmission d'Audiomatic, tout simplement parce que les sonoristes entendent poursuivre leur mission mercredi prochain dès 17h en créant un nouvel environnement sonore d'une durée approximative d'une heure. Entre-temps, si vous souhaitez accéder aux anciennes transmissions d'Audiomatic, c'est possible de le faire en visitant nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou. Voici Godspeed You Black Emperor et la pièce Mladic. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Okay. Can you get her? Do you see her? No. Hang on.